différence. C'est fou, 89 ans. Le pilote d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin viendra nous expliquer les enjeux nucléaires dans Déchiffrons le campus. Et Justine Renaud sera là pour éclairer nos lanternes dans Justine Persine. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce jeudi 23 octobre 2014. Tellement. Steph, veux-tu l'histoire d'aujourd'hui? Parce qu'on ne s'est pas parlé depuis que je suis arrivé en studio. Non. Je veux vraiment pas qu'on se parle. Ça pourrait comme spoiler nos avances. Gâcher les surprises, puis créer des attentes, puis mettre la barre haute pour l'émission d'aujourd'hui. Mon histoire aujourd'hui, c'est que mon application pour dormir, okay, qui s'appelle Pillow, est géniale, je la trouve fantastique. Analyse du sommeil. Est-ce que tu dors dessus? Si je dors sur l'application, je dors à côté de l'application. OK, ben c'est parce que... Ça aurait pu être un bon investissement, étant donné que c'était un oreiller. Ah oui, ça aurait pu. Sinon, j'aurais pu me mettre la culotte. Mais non. Donc, Pillow, je sais pas, a planté cette nuit. Pourtant, je me rappelle hier d'avoir vraiment dit « Ah, c'est dommage gossant, ça. Voyons, aussitôt que je reviens de bord, il devient noir, puis tout ça, parce que t'es supposé le mettre face par en bas, puis il devient noir quand tu fais ça. » Fait que là, ça allait bien. Bon, je me rappelle l'avoir installé et d'avoir mis la bonne heure. Mais ce matin, ce qui m'a réveillé, c'est mon alarme pour une autre chose complètement, qui sonne, elle, à 7 heures. Donc, je me suis levé à comme 7 heures et passé, 7 heures. Es-tu sérieux? Ça n'a pas d'allure, hein? Wow! Puis c'est pour ça que j'arrive à l'heure juste. J'ai couru en m'en venant, puis je suis tout essoufflé, puis j'ai mal à la gorge, je suis encore malade. Puis même, ta barbe a poussé pendant que tu courais. Encore plus! J'ai l'air d'un maudit pouilleux. C'est de ça que j'ai l'air, mais bon, je m'assume là-dedans. Bref, matin compliqué, peut-être pour vous aussi, donc on va vous guider à travers vos deux prochaines heures. Moi, écoute, c'est totalement le contraire. Je me suis levé à la même heure que d'habitude. J'ai eu le temps de me confectionner un smoothie de la mort. Là, je regarde l'heure. Je suis 10 minutes en avance. Avant l'heure à laquelle je pars d'habitude. Ouais. Donc, j'étais prête avant que tu te lèves. Hey, j'étais c'est constamment fascinant. 5 minutes en retard et toi, t'es en général 10 minutes à l'avance. Fait qu'on s'est rejoint au milieu. Red. Incroyable. Bref, le matin débute. Il est là. Il est arrivé. Il est 7h37, genre, comme pas rapport. Ça. Et on va faire aujourd'hui plein de contenu super divertissant. Entre autres, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir à 8h, ils vont se battre pour la case d'horaire. En fait, non, on la donne à Justine Persine qui est à l'heure. Donc, à 8h, Justine Persine, sa chronique musico-scientifique. Laurent fait dire qu'à 8h30, ça y va. Parfait. Ben, Laurent Constantin sera à 8h30 avec sa chronique Déchiffrons le campus. Et ensuite, à 9h, ça va être super le fun parce que c'est toi, Stéphanie, qui va faire le poste d'écoute. Oui, puis ça va être bon. C'est magnifique. Mais pour l'instant, pour les, je dirais, 20 prochaines minutes, ben on va faire ce qu'on fait de mieux à l'émission, c'est-à-dire le sport olympique du patinage radiophonique. Oh, on fait du patinage artistique. Du patinage artistique, exactement, c'est ce qu'on va faire pour les prochaines minutes. Mais bon, ne vous en faites pas, l'émission est là, on est là, vous êtes là, tout le monde a du plaisir, on s'enlève la sueur des sourcils et on écoute Brigitte avec À bouche, que veux-tu? Ça, c'est fou. Mais non, je me peigne. Ah, tu te peignes. Je parlais pas de toi, tu sais. Oh, okay. En général, moi, je suis tout tremble, mais j'ai couru. Fun, hein? Font toujours autant d'effets. jeux interdits, ton humour abstrait me font toujours autant d'effets. C'était Brigitte et Abouche, que veux-tu, dans Assemblage requis. Ah, que c'est tellement sexy, cette chanson-là. Ah, ouais. c'est une chanson où la fille, elle chante un petit peu en se faisant dandiner avec une autre fille. T'sais. Le vidéoclip est cool. Brigitte. Hein, Steph? OK, ouais, okay. Je vais pas regarder. Non, mais t'es revoir ça. C'est 7 minutes de plaisir. Donc, après cette chanson dévergondée, on va se donner des verbes. gondé? Genre, ouais. Dans des phrases, on va faire des phrases finalement avec des mots. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ah, c'est ce que je me disais tous les matins, ça ne marche pas. On va s'arranger pour que ça fonctionne, toi et moi, Steph. On va arranger ça. Je vais te dire des instructions pour mieux vivre ta vie. Tu vas peut-être pouvoir me dire si ça fonctionnerait pour toi et si tu as envie de l'essayer, mettons. Bonne idée. Ouais. Donc, on va commencer avec, je pense, le conseil qui va m'aider le plus ce matin. Tu étais avec nous en début d'émission, je disais que je me suis levé extrêmement limite. Mm-hmm. Des fois, c'est difficile de se lever le matin. C'est toujours difficile de se lever le matin. Donc, on va essayer de voir pourquoi on n'est pas des personnes matinales pour la plupart. Genre, on a de la misère à se lever, même si on a un objectif, comme, mettons, je sais pas, aller se boire une tasse de café. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Il y a plusieurs études par rapport au sommeil. Selon une étude d'étudiants à l'université, ceux qui se lèvent plus tôt se sentent plus optimistes et proactifs que ceux qui se lèvent plus tard. Pas en tout. Moi, ça me déprime, me lever de bonne heure. Surtout qu'il fait noir vraiment beaucoup le matin encore. Même passé 7h15, il fait encore noir le matin. Ça va être le temps qu'on change l'heure. Hein. Je pense que oui. Là, dans le fond, il serait comme 6h45, c'est bien ça? C'est ça. Ça aurait du sens à cette heure-ci que ce soit 6h45. Ouais. En regardant dehors. Mais bon. D'autres études nous apprennent. Il y a plein d'études, mais je vais plus essayer d'un conseil. Je pense que ça va être plus intéressant. Donc, votre plan pour avoir un meilleur matin. Devenir une personne matinale, si on veut. Autre que, évidemment... être obligé de se lever pour changer d'horaire de travail, quelque chose comme ça. Ça va être des raisons qui vont vous forcer à vous lever tôt le matin. Mais si vous voulez vous-même vous réveiller plus tôt, pour commencer, bon, c'est de dormir assez. Ça a l'air évident. Mais avoir la dose recommandée de 7h à 9h de sommeil, ça va rendre le réveil plus facile, ça c'est sûr. C'est sûr. Évidemment, de garder le laptop et autre téléphone cellulaire loin de votre lit, c'est une autre solution. Ensuite, de rester constant. Donc, essayez de mettre votre alarme à la même heure chaque matin, dont la fin de semaine. Un réveil constant va vous aider à rendre votre sommeil plus facile, ça, c'est sûr. Oui, j'ai vraiment le goût de me lever à 6h30 samedi dimanche. Ouais, hein? Vraiment. Vraiment, puis de me coucher genre à 10h15. Ouais, c'est vraiment, là, ça a l'air le fun. Ah! Mais non. Pour les gens qui ont un horaire normal, mettons qu'ils doivent aller travailler pour, je sais pas, 8, 8h30, 9, et non pas 7h15, genre, comme disons. Mais non. Hein? Bon. Je sais pas, il y en a des crinqués qui se lèvent pour vrai à cette heure-là, mais qui ont un rythme normal de vie comme ça. Moi, je serais pas capable. Tant mieux, mais ça, c'est votre personnalité qui est comme ça. Votre personnalité qui est faite comme ça, genre. C'est bien. Ensuite, de démarrer tranquillement. Donc, choisissez-vous une nouvelle heure de réveil et allez-y graduellement. Par exemple, si vous voulez vous lever à 7h, je sais pas, vous allez à 8h, excuse-moi, tu vas peut-être mettre ton cadran à 7h45. Après ça, tu vas changer graduellement ton heure de réveil pour te reculer jusqu'à 7h après ça, tu mettons. Ok, ouais, ouais. Donc 8h, 7h45, 7h30, 7h15, 7h finalement pour avoir ton but de te lever à 7h. Bon. Donc en portion de 15 minutes. Évidemment, le conseil qu'on donne tout le temps, c'est de laisser tomber le snooze. Donc, je ne snooze jamais. Moi, je fais tout le temps du snooze et c'est pas une bonne chose de défaire ton sommeil comme ça en dérangeant ton cycle de sommeil. Tu as l'impression de dormir bien, mais tu te donnes des petits crans de sommeil rapid eye movement, là, genre un petit sommeil qui n'est pas assez profond, mais juste entre les deux. Bref, c'est pas une bonne chose pour vous. Vous voulez pas faire ça. Mettez-vous une alarme pour l'heure vraiment exacte de votre sommeil et peut-être... ça va être assez beau. Ensuite, mettez-vous des sons qui vous rendent heureux. Donc, laissez faire les bip et les boop, les R2D2. Ouais, peut-être comme sonnerie de téléphone, ça peut aller, mais pas comme sonnerie pour se réveiller, mettons. Mais non, c'est agressant. C'est un petit peu agressant. Quelque chose de plus relaxant. C'est sûr que moi, les alarmes qui sont trop douces, j'ai tendance à pas les entendre du tout. OK. Donc, mais je pense qu'on s'habitue aussi. Probablement. Parce que moi, j'ai commencé à me faire réveiller par... C'est un bruit de camping sauvage. Des oiseaux. C'est ça, des oiseaux, un peu de vent, des trucs comme ça. Je te dirais les deux premières fois, là, c'était vraiment... je me réveillais pas du tout. Donc, je devais le mettre environ 10 minutes à l'avance. Comme ça, pendant les 10 minutes, mon cerveau... Et il recevait, et à un moment donné, ça venait que ça me réveillait. Mais ça prenait quand même un certain temps, donc je me levais en retard, donc il fallait que je le recule. Mais là, c'est à la seconde près, ça sonne, je me réveille, puis je l'ai vraiment associé à ça. Là. Maintenant, les petits oiseaux, en général, dans la vie, est-ce que ça te donne envie Mais en fait, ça m'a fait ça une fois au printemps. J'ai entendu des oiseaux, puis là, je me suis réveillée vraiment comme « Oh mon Dieu, faut que je me lève! » « Oh non, c'est des vrais oiseaux! J'avais oublié que ça existait! » Mais mon cerveau avait été conditionné. Donc ça, justement, ça peut peut-être aider à se lever plus tôt. Oui. C'est conditionner notre oreille à se réveiller à un certain son. C'est un très bon point, ça. Très, très bon. Les oiseaux, là, 4h30 le matin, là... Merci. C'est traître. On dit de laisser entrer la lumière. Les recherches nous apprennent qu'un petit peu de lumière est tout ce dont on a besoin, oui, voilà, pour resetter l'horloge dans votre corps. Donc, une simple solution, ça devrait laisser les rideaux un tout petit peu ouverts pendant la nuit. Bonne idée quand même, je pense, non? Ben juste un oui. Petit rayon de lumière. Ça aide vraiment beaucoup quand tu veux te lever à 6h30 puis qu'il fait encore noir dehors. C'est juste déprimant encore plus. C'est vrai. C'est vrai, ça dépend de l'heure, de la période de l'année. On dit de déjeuner. Donc, quand t'es fatigué, ça ne disparaît pas juste avec une tasse de café. Avoir assez de temps pour manger un petit déjeuner avec peut-être un yogourt, des œufs, des trucs comme ça, ça va aider à fournir de l'énergie et ça va aider votre cerveau à se réveiller. Mm-hmm. Ensuite, d'aller au gym? Bon, c'est pas une grande motivation pour se lever le matin. Pas pour moi, en tout cas. Donc, une petite routine d'exercice chaque matin pour augmenter encore une fois l'énergie. Te donner un petit cadeau. Hein, donc, une récompense. Peut-être, je dirais, si tu as à te lever plus tôt qu'à l'habitude. Mettons, pour, je sais pas, un rendez-vous quelconque que tu as, faut que tu te lèves vraiment, vraiment de bonne heure. Peut-être juste te prendre un petit quelque chose que tu aimerais pour déjeuner, je sais pas, arrêter à une place, que, je sais pas, d'un sandwich matin dans un restaurant quelconque. Tu récompenses un petit peu, ça va te donner un petit peu de pep. Ouais, commencer la journée, un petit peu de pep. Tu peux pas être de mauvaise humeur le matin. Donc, c'était les conseils pour mieux se lever. Ensuite, t'aimerais ça apprendre, Stéphanie, comment casser de la ficelle avec juste tes mains. Ah. Ah. Donc toujours. Ça marche avec ta soie dentaire? Non, je vais m'aventurer à dire non. Peut-être que oui, mais ça le précise pas, mais j'aurais tendance à dire que non, parce que c'est quand même assez solide de la soie dentaire. Ben, du fil aussi. Ben, du fil aussi, mais justement, avec ce conseil-là, peut-être que ça va nous aider. On va même pouvoir, ensemble, regarder la petite vidéo. Donc, c'est toujours bien d'avoir un outil sur soi pour couper quelque chose, mais quand t'en as pas et que t'as besoin de couper de la ficelle, voici un conseil qu'on va écouter maintenant à l'instant. Attention. C'est donc un morceau de corde vraiment quand même solide. On va envelopper un côté complètement dans la main. Attention, il commence avec sa corde très très longue. So what I want you to do to try off to start with is a tiny little bit like that. Donc on prend un côté, accélère. Et tu mets ta main devant toi et tu entoures la ficelle de ta main. Il explique à un enfant. C'est pour ça que c'est long un peu, je pense. Oui, pourquoi il explique à un enfant? Ouais, pourquoi? Bref, il faut qu'il y ait une, que la boucle, que le X soit fait à l'intérieur de ta main et tu passes, tu fais comme un genre de début de nœud. J'ai hâte de voir si ça marche. Ouais. Il fait juste tirer sa casse. Donc, dans le fond, il a fait dans sa main gauche une boucle avec la corde. Donc, il a passé la corde dans le reste de sa boucle. Non, mais là, Flo est mongol, il n'est même pas capable de le faire. Ouais. Il n'est pas capable de faire le nœud. Mais c'est parce que ça donne des longueurs, là. Ça donne un petit peu de longueur. Mais bref, tu as compris qu'on fait une boucle pour qu'il y ait un effet de levier, si on peut-être pas de levier, mais en tout cas, au moins, qui va donner une façon de pogner après ta main sans que ça lâche de là. Sans que ça s'alloucisse. Si on veut. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour casser une corde. Ça marche-tu? Ça marche pour le monsieur. Il l'a essayé 2-3 fois à date où je suis rendu dans la vidéo. Donc il y a juste à faire une petite boucle dans le milieu. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. C'est difficile à expliquer un petit peu à la radio, je pense. Mais... Ensuite, on va rester dans les vidéos parce que l'autre, je pense, va être un petit peu plus, j'espère, simple à comprendre. C'est comment ouvrir une canne de soupe ou peu importe, une canne de conserve avec une cuillère. Ah, peut-être toujours. Oui, on n'a pas toujours un ouvre-canne. On va regarder ça. Donc comment ouvrir une canne avec une cuillère? Hey YouTube, I got bonjour YouTube. Mm. On how to open. Ils ont tout l'air tellement marrons les vies. Les gens avec deux. Right. Donc vous allez utiliser le bout de la cuillère, le bout rond. Non, vous n'allez pas poignarder la canette, vous allez utiliser la cuillère avec votre pouce sur le bas de la cuillère. Vous allez commencer à frotter en poussant par en bas sur les côtés de la canne. Et éventuellement, vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier. Éventuellement, dans combien de temps? La vidéo n'est pas si longue que ça, c'est un genre de 2 minutes, fait que tu vois que ça se fait quand même assez rapidement. Hein? Moi, je suis impressionné, j'aurais jamais pensé. T'sais. OK, Okay, c'est clair qu'on essaye tout ça. Ben hein? Oui, ça va commencer à pénétrer l'entre-deux, entre le couvercle, et la, parce que c'est scellé. C'est quand même bien scellé, mais le gars l'ouvre assez facilement. Donc voilà, c'est un très bon conseil, je pense. Ben, il fait un trou facilement, mais après ça, de dire qu'il va ouvrir la canne au complet facilement, ça prend quand même un peu de travail. Oui, quand même. Mais quand t'es mal pris, c'est génial. Oui, puis le gars ne va pas particulièrement rapidement, puis la vidéo dure juste 2 minutes. Donc quand même, ouais, en camping, ça va être... ça va être bien. Vous pouvez utiliser la plus grosse cuillère possible pour faire le plus de territoire possible, évidemment, en même temps. Puis il va être plus solide aussi comme cuillère. Plus solide, exactement, parce que... On sait que la crème glacée, on a tous essayé. C'est assez facile de courber une cuillère. Bref, voilà, ça c'est intéressant quand même. Ensuite, oui, merci monsieur. Au revoir. Merci pour votre aide. Gonfler un ballon de sport avec des cannes d'air comprimé. Hein? T'sais, on n'arrive jamais à trouver une pompe pour gonfler un ballon quand on en a besoin pour jouer à un sport, que ce soit du basket, du soccer. Mais chez Wonder How To... On nous dit qu'une canne d'air comprimé est capable de juste au moins gonfler le restant qu'il vous faut d'un ballon qui est un petit peu... T'sais, un ballon mais qui serait à peine dégonflé. Je comprends pas de quel objet tu parles. Un ballon de soccer ou de basket, non? Ouais, non, le ballon, ça va, l'air comprimé, tu sais, que pour les ordinateurs, pour nettoyer, puis entre les touches d'un clavier, air comprimé, non? Non? Ben oui, okay. C'est correct. Non. Mais c'est ça, je te le demande, tu me l'expliques. Non, je suis pas sûr de m'être bien exprimé. Voilà, c'est la petite paire qui vient avec la canne, va entrer dans le trou pour gonfler la plupart des ballons de sport. Et une fois que c'est certain que la paille est bien à l'intérieur, on envoie quelques courts jets d'air jusqu'à ce que ce soit gonflé à notre satisfaction. Encore une fois, c'est juste si ton ballon est un petit peu dégonflé. Ben oui, je veux dire, flat comme sur celui-là qu'on a sa photo... Aucune chance. Ça, là. Aucune chance. Et faites pas l'erreur non plus de mettre ces cannes d'air-là quand c'est mal à l'envers. Là, on a tous vu le petit. Des vidéos où des gens qui le faisaient au secondaire. Moi, il y avait des petits jeunes qui le faisaient au secondaire. Et la canne à l'envers, ça va faire genre. C'est comme. Je sais pas si c'est du givre ou du. Ben, même à l'endroit. Ouais, il faut la mettre à l'endroit, ta canne pas à l'endroit. Ben, à l'endroit aussi, ça devient froid. OK. Puis à un moment donné, mais c'est parce que c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là. Mais à force de la pression, la canette, elle vient très, très, très froide. Ouais. À un moment donné, il y a des petits glaçons qui sortent de là. C'est là. Ce que je me rappelais, j'étais pas ça. Mais même à l'endroit, ça fait ça. OK. Ça, je savais pas. Donc voilà, une canne d'air comprimé. Ensuite, allons-y avec... je sais pas à quelle sauter. Ah oui, on va y aller avec des fleurs qui sont en santé. Vous voulez les garder fraîches. Une briquette de charcoal, apparemment, aide beaucoup. Vous avez peut-être remarqué que l'eau dans votre vase, votre pot de fleurs, va commencer à être stagnante et sale après quelques jours. Si vous voulez pas avoir à fréquemment remplacer votre eau, placez une petite briquette de charcoal au fond de votre vase et ça va aider le tout à rester plus frais plus longtemps. Vous pouvez garder vos fleurs quelques jours de plus au moins ou empêcher l'eau d'avoir l'air dégueulasse. D'ailleurs, probablement que vous avez entendu parler que les briquettes de charcoal, c'est pas mal la même chose que dans les filtres Brita et les filtres d'aquarium. C'est ça. Donc, c'est ça a du sens. Oui. Ça a bien du sens. Oui. Voilà, un concept assez simple. Ensuite, votre poignée de tondeuse a cassé. Tu sais, la poignée pour tirer et faire... Est cassée, t'en as plus touché une corde, puis là, ça devient difficile. Puis il faut que tu fasses un nœud dans ta main, comme un enfant de 4 ans. Puis là, t'es pas capable, parce que t'es un enfant de 4 ans. Puis il faut que t'ailles passer la tondeuse pour mettre ton 2$. Il y avait plus comme 9 ans. Je pense qu'il y avait pas mal de 9 ans. Il y avait plus 9 ans, le petit gosse, dans la vidéo. T'as bien raison. Donc, remplacez ça avec une poignée de seaux. Tu sais, les seaux ont une poignée... en plein milieu, évidemment, pour le tenir. Okay, et souvent, c'est une grosse poignée de plastique, quand même assez solide. Donc, vous pouvez remplacer ça si votre poignée de tondeuse ou de n'importe quelle autre poignée, finalement, du même genre, a besoin d'un remplacement. Donc, vous avez juste à couper la poignée de votre vieux seau, d'attacher votre corde à ça de la façon la plus sécuritaire possible, et tout va bien aller. Mais pourquoi tu fais pas juste la rattacher à ton ancienne poignée? Si elle s'est cassée, tu l'as perdue, puis elle s'est fait passer dans la tondeuse, puis tout ça. Ah, mettons, ok. Mettons, t'as pilé dessus avec tes lames de tondeuse. Mais sinon, tu pourrais prendre n'importe quoi. Juste, tu pourrais prendre, mettons, un cocon. Hein, dildo! Ouais, tu pourrais prendre à peu près n'importe quoi, excuse-moi. Ça a sorti de ça. Empêchez votre malaxeur, votre mélangeur, votre robot culinaire de se splasher partout. Un batteur sur socle. Un batteur sur socle, exactement. De faire un dégât avec du papier ciré. Utiliser un malaxeur, ça peut être assez... ça peut faire des dégâts dans votre cuisine. On a quelques exemples chez Chow pour vous aider dans la cuisine. Donc, enveloppez une serviette de cuisine sur votre mixeur pour l'empêcher de recevoir de la farine un petit peu partout, peut-être. Là, ça va vraiment avoir l'air d'une salle d'hôpital, cette histoire-là, mais mettez genre un linge à vaisselle par-dessus votre malaxeur, mettons, pour empêcher la farine de s'éparpiller quand vous allez brasser dans votre pot, dans votre plat. Ça a du sens. Pour les mixeurs à main, utilisez une feuille de papier ciré entre le mixeur lui-même et les attachements. C'est ce que ça nous dit? Et l'attachement batteur pour les batteurs. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mettons. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu l'expliquerais mieux que moi, toi? Mettons. Ben, le batteur à main, dans le fond, t'as les deux petits batteurs que tu vas planter dans la machine. Ouais. Ben, au lieu de les planter directement dans la machine, entre les deux, tu mets une feuille de papier ciré. Tu fais un trou, si on veut. Genre. Ben, juste, ça va rentrer tout seul. T'as pas besoin de faire un trou. Ben, comme ça, déjà, en leur virant pour aller battre, ça fait une espèce de couvercle sur ton bol avec le papier ciré. Un bouclier. Ouais. Ouais. Un bouclier. Là, ça protège ton batteur de toutes les éclaboussures. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, le mien est un peu cochonné, mais c'est parce que ça se lave mal parce que en dessous, c'est aussi là où il y a l'aération. Mm-hmm. Donc, c'est plein de craques. Mm-hmm. Ça se lave mal. Hey. Des fois, ça donne le goût de le sacrer au vidange d'en acheter un autre. Ça, c'est ma solution, en tout cas. Ensuite, on va continuer avec un autre conseil pour les cheveux maintenant. On vous dit d'empêcher les dommages à vos cheveux, hein, ou même la perte des cheveux, en les stylisant, les arrangeant seulement lorsqu'ils sont partiellement secs. Voilà. Donc, votre façon de vous peigner et d'arranger vos cheveux peut vraiment affecter la santé de vos cheveux. L'American Academy of Dermatology offre quelque chose à faire et ne pas faire pour prendre soin de vos cheveux, dont, comme je disais, les arranger lorsque vos cheveux sont aussi peu mouillés que... Oui, c'est ça. De vous arranger avec vos cheveux le moins souvent possible lorsqu'ils sont mouillés. Voilà. Donc, c'est de laisser vos cheveux sécher au moins partiellement avant de les peigner ou de les arranger. C'est ce que les dermatologues disent. Il y a quelques exceptions. Mm-hmm. Par contre, la plupart des gens devraient s'occuper de leurs cheveux le moins souvent possible lorsqu'ils sont mouillés. Nanana, parce que les cheveux mouillés vont casser plus facilement lorsque peignés ou brossés. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Pourquoi? La raison des choses. Les gens qui ont les cheveux bouclés ou même frisés très, très serrés, les cheveux texturés, les personnes noires, entre autres, devraient brosser leurs cheveux lorsqu'ils sont mouillés pour empêcher le cassage. OK. Should brush their hair when wet. Oui, c'est ça. Donc, les brosser lorsqu'ils sont trempés. Les cheveux texturés. Mais moi, je fais tout le temps ça, de les laisser sécher à l'air une bonne partie. Mais j'ai tellement les cheveux épais que c'est vraiment très, très long de les sécher au séchoir. Donc, je nique que j'ai mal dans les bras. Fait que je prends ma douche, je vais faire d'autres choses pendant peut-être 2-3 heures. Sans me casser la tête, je vis ma vie. Et souvent, c'est là, ça va juste comme avant de me coucher, je les sèche. Puis ça prend comme facilement 10 minutes de moins. Mmh. Donc, imagine, c'est 10 minutes de moins de chaleur intense sur tes cheveux. Donc, ça paraît oui. Au bout même d'une année, là, c'est un nombre d'heures. Incomparable. Des semaines? Ouais. Mais non, c'est un très bon point. Ensuite, le camping. On essaie d'amener le moins de choses possible en camping. Il y avait d'autres trucs dans la vidéo. Excuse-moi, moi, j'ai pas regardé la vidéo. J'ai pas. Est-ce que t'en as à nous donner? Ben oui, entre autres, il disait, est-ce que vous séchez vos cheveux vigoureusement avec une serviette, ouais, par exemple? Et c'est déconseillé. On prend la serviette puis on frotte nos cheveux. C'est vraiment pas conseillé. Il faut tamponner avec la serviette. Juste l'envelopper dans la serviette. Et c'est l'idéal aussi pour protéger nos cheveux. Sinon, acheter le gadget avec lequel on a terminé la plus récente chronique de Sex Smith, ça devrait pas. Là, c'est des gants qui apparemment sèchent vos cheveux mieux parce que c'est un tissu différent. C'était des gants, tu sais, que tu fais juste ouais, sur ouais, les ouais. cheveux, tu te rappelles ça. C'est ça. Mais parce qu'il y a plein d'autres trucs, mais c'est parce qu'ils disent. Ils disent, mais ouais. Moi, je les entends pas, ça. Non, c'est ça. Bref. Donc, on va en camping. On essaie d'avoir le moins de matériel possible dans son sac. On essaie de maximiser notre place. Mais pour faire à manger, il n'est pas vraiment plus simple que ce petit four fait à partir d'une canette d'aluminium et d'une bouteille d'alcool. Donc, comme la vidéo nous le montre, on peut créer un simple fourneau, un poêle, avec une canne d'aluminium, un couteau de poche et une bouteille de gaz dangereuse à faire brûler. Ça a l'air dangereux. Donc, ça peut être utilisé pour faire cuire de petites nourritures dans un petit chaudron, faire bouillir de l'eau. Donc, ça peut brûler quand même assez chaudement. Donc, comme la vidéo nous le montre sur assemblagerequis.com, la flamme va quand même assez haut aussi. Donc, on devrait suivre les instructions attentivement lorsqu'on construit ce four-là. Ensuite, ça, j'aime ça, c'est comment surveiller votre machine à café au travail avec une pile de verre de styromousse. Le café, évidemment, fait rouler bien des bureaux, donc on veut se préparer une nouvelle cafetière une fois de temps en temps. Et on veut pas boire le café si ça fait plusieurs heures qu'il est là parce que c'est moins bon. Tu sais. Ben oui. Tu sais, des restaurants, ils vont utiliser un crayon feutre sur leur cafetière, sur leur carafe, en fait, pour dire à quelle heure le café a été préparé la dernière fois. On a tous apprécié ce truc-là, mais on veut pas commencer à écrire sur nos appareils au travail. Donc, comme on le montre sur lifehacker.com via Reddit, c'est d'utiliser deux verres de styromousse et vraiment, sur le premier verre qui va être en dessous, écrire les heures, par exemple, mon 5h, 6h, 7h, 8h, etc., etc. Et sur un deuxième verre de styromousse que tu insères par-dessus, tu fais une flèche. Et là, ce que tu as à faire, c'est de tourner le verre du haut vers l'heure à laquelle tu as fait le café. Ça fait comme une espèce de minuteur. Maison boboche. Genre, un minuteur boboche. Voilà. Mais je trouve que l'idée est magnifique. Oui, parce que si tu commences à utiliser, par exemple, des post-it, tu vas en utiliser une quantité faramineuse. Puis là, ça te prend vraiment le pad de post-it, un crayon. C'est clair qu'il n'y a personne qui va prendre le temps de l'écrire. Ça, c'est facile, c'est rapide. C'est rapide et en plus, l'article continue en nous disant qu'on pourrait rajouter encore un autre facteur en mettant un troisième verre avec peut-être le nom de la personne qui a fait le café ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui n'est pas bon. Ah, lui, il fait moins bien. Puis peut-être après ça, genre mettre à temps plein une personne sur la tâche du café. Et un autre quatrième verre, peut-être pour dire la sorte de grains qui ont été utilisés. Par exemple, aujourd'hui, c'est de l'arabica, c'est du ci, puis du ça. Des facteurs additionnels. Parce qu'à un moment donné, ça peut commencer à être long, là, l'histoire du cube Rubik. Là. C'est vrai, parce que là, chacun a une flèche. Chacun, genre, t'as les noms de chacun des employés tout le tour du verre. Une autre flèche, ça devient vraiment dur. C'est la combinaison gagnante. Il faut que tout s'enligne. C'est comme les astres qui s'enlignent. Le jour de pleine lune. Pourquoi j'aurais pas de fessée sur la table aujourd'hui? Pow! Donc, ensuite, David Ferron sort de ce corps. Ouais, c'est ça, c'est gossant. Mettez vos. Alors, ça, c'est vraiment parfait. Vous allez en camping encore une fois, ou peut-être même au bureau, peut-être que ça pourrait être une idée parfaite pour le bureau, de mettre vos condiments dans des petits socles ou étuis à verre de contact. Ah. Tu sais, mettons, là, mettons, t'arrives pour. C'est vraiment bon, je trouve. Parce que, mettons, tu veux faire ton sandwich à la job, tu veux pas que ça devienne tout dégueulasse parce que, bon, t'as mis tous les ingrédients, puis tes sauces, puis tes salades, tout est devenu mou dans ton sandwich, le poulet pressé. Tu veux t'amener tes condiments à part. Des fois, tu vas amener, parce que t'es pressé, ton truc de moutarde, ton pot de moutarde au complet, ou ton pot de. Peu importe, tu vas le mettre dans le frigo à la job, puis là, à un moment donné, faut que tu le ramènes le soir, tu vas le laisser là, tu vas finir par en acheter un deuxième pour à la maison, puis l'autre pour le travail. Donc, ton petit truc de verre de contact, une portion sandwich. Ben non, c'est ben trop petit. Ben, tu peux remplir les deux côtés, du même condiment, mettons. Mettons, t'as un sandwich à moutarde. C'est sûr que si tu veux t'amener de la moutarde, de la mayonnaise puis du ketchup, va te falloir que tu traînes 3-4 trucs à faire des contacts, c'est pas mieux. Ben, je sais pas, là, ils s'en vendent déjà, des mini-plats pour traîner les condiments. Effectivement. Mais si tu voulais jeter ton rack à verre de contact. Mais moi, s'il y a déjà eu du stuff à verre de contact dedans et des verres de contact, je me mets pas de moutarde là-dedans. Là. Peut-être, est-ce que ça vaut la vaisselle, le truc à verre de contact? On sait plus. Ben, ça va revoler à l'eau puis ça va tomber sur l'élément dans le fond. C'est vrai. Ça va fondre. Ouais. Non, ouais. Truc de marre. Ensuite, améliorer le seau qui va faire votre débouche-toilette, votre plongeur, comme on l'appelle en anglais, mais pas en français. Donc, votre plunger, votre déboucheur de toilette. Un siphon, man. Votre siphon, man. Je sais pas si ça s'appelle un siphon, man. Si vous voulez que ça suce plus, hein, que ça aspire plus, qu'on va se le dire, normalement. Ouais. Utilisez de la gelée de pétrole. Une petite couche de vaseline ou de gelée de pétrole de marques diverses tout autour de l'anneau, du bout, évidemment, de votre siphon. Et ça va aider au caoutchouc à former un seau plus serré, plus tenace avec votre drain de toilette. C'est un petit peu, évidemment, dégueulasse de toucher à ça avec votre main, votre siphon. Donc, si on veut que ce soit plus tight, il faut y mettre de la vaseline sur le tour du ring, c'est ça? Et crime que c'est le genre de gag que j'aurais fait et que j'aurais regretté certainement, mais oui, c'est effectivement ça, Steph. Ensuite, non, il n'y avait rien de louche là. Une patate au four. J'aime ça, c'est blague. Là. Une patate au four. Tu veux l'envoyer au four, hein? Évidemment, parce qu'une patate au four, c'est rare que tu l'envoies pas au four. Puis c'est parce que c'est super bon, fait qu'on veut toutes les envoyer au four. Tous les soirs de la semaine, 7 jours sur 7. Mais tu veux qu'elle soit encore plus croustillante. Écoute ce conseil magnifique, Steph, de te trancher des tranches, pas pour faire des chips, parce que bon, tu pourrais faire des chips en tranchant une patate, je pense que tout le monde sait ça, mais juste de faire des fentes dans ta patate au four, plus épais qu'une chip encore, OK? OK. Et ensuite, mets ça au four et ça va te faire des coins croquants à chaque bout de patate, tout en ayant un petit fond de pas tout à fait croquant, et le beurre, je te jure, va fondre là-dedans comme tu l'auras jamais vu. Donc, on suggère de faire des tranches de 3/4 sur 3/4 de la patate environ pour avoir une partie qui va être vraiment d'un côté molle comme on les aime. Mettre un petit peu d'huile par-dessus, un petit soupçon d'huile et du sel sur le dessus. On met ça à 425 degrés Fahrenheit pendant environ 50 minutes. Et quand ça va être terminé, une patate relativement santé, dépendant de l'huile que tu utilises, relativement santé. Ouais, avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça va être santé. Ben, allons-y avec l'huile d'olive. Et pour un petit peu plus de saveur, ajoute un petit peu de... Évidemment, c'est des Américains, j'imagine, qui vous diraient de mettre du fromage et du bacon à tonne. C'est un petit peu moins santé, là. Dans ce cas-là, oui. Mais une fois par semaine, mettons 6 jours semaine, la patate normale à l'huile d'olive, puis 7e jour du Seigneur, et Seigneur, jour du bacon, tu mets ça, c'est ta patate. On peut continuer encore un petit peu avec une porte patio. Hein? Oui, c'est intéressant, les portes patio. Toujours, ceux qui en ont. Moi, j'ai le malheur de tomber sur un appartement qui n'avait pas de porte patio. Je suis un petit peu jaloux. Mais pour qu'elle ferme automatiquement avec une bouteille d'eau et l'effet du levier. Je te permets de regarder la vidéo en même temps que j'en parle. Donc, si tu as des... Merci. Quoi? Tu as dit « je te permets de regarder la vidéo pendant que j'en parle ». C'est par gentillesse et pure générosité, philanthropie et don de moi-même. Ouais, ouais. Je te permets donc de regarder ça. Si t'as des chiens, des enfants ou des adultes irresponsables, mettons moi, une porte patio, ça peut rester ouverte. Elle peut rester ouverte une fois de temps en temps, c'est pas le fun. Donc, gadget à $3.50, on va brancher, on va accrocher une bouteille d'eau ou de sable à un petit système de poulie. Tu sais, poulie comme le petit bonhomme de neige, non, ça c'était boulie. Avec une corde de nylon. Et voilà, donc vous allez avoir une porte qui va se fermer toute seule, comme dans la vidéo. Évidemment, il faut l'essayer correctement. Et à condition d'avoir une porte quand même qui ferme bien. Parce que si ça fait clac-clac-clac-clac, ça marchera pas. Ça prend une bonne porte patio. C'est qu'il faut tirer dessus pendant beaucoup trop longtemps pour réussir à la fermer. Là. Ben, appelle le concierge. C'est qu'il faut que tu te donnes un swing. Là. Dans le mais fond c'est de la bien, parce que tu vois, les petits chiens qui sont capables de rentrer tout seuls par la porte patio, mais les autres, ils leur ferment pas la porte. Non, là. Non. Sont mongols. Ben, tu sais. Fait que là, la porte ferme tout seul. C'est vraiment cool. Peut-être que leur maître leur a pas permis de fermer la porte comme j'ai fait pour toi, tantôt. Ben oui, c'est sûr. Et finalement, ça, je pense que ça va nous être utile à tous. On a tous des verres de vitre à la maison ou des. Ici, on parle de lunettes, mais moi, je dirais que ça va faire la même chose probablement sur un verre à boire. Donc, c'est d'enlever des logos de vos lunettes de soleil avec une pièce de 1 cent. Donc, si vous avez déjà eu des lunettes de soleil ou des lunettes normales qui étaient, vous trouviez, gâchées, ruinées par un logo affreux, comme ici, dans ce cas-ci, c'est un logo de Ray-Ban. Ça fait tellement prétentieux. Ben, justement, si t'as payé des Ray-Ban, laisse le logo là. Peut-être que t'aimes juste le look des Ray-Ban. Peut-être qu'on t'a donné des Ray-Ban en cadeau, je sais pas. T'sais. Mais bref, vous prenez donc sur un bloc de vêtements Put This On qui suggère de prendre un cent... une scène brune pour enlever ce logo-là. Vous prenez votre scène, vous allez gratter un petit peu le logo avec le côté de la scène. Une scène noire, c'est assez mou pour ne pas graffiner une vitre de lunettes, mais assez solide pour enlever le logo, l'encre. Donc, Put The Sun fait ça avec une paire de Ray-Bans. Il montre dans la vidéo qu'il n'y a aucune égratignure. Il faut aller sur le lien pour le voir, donc sur assemblagerequis.com. Mais cela étant dit, une scène devrait jouer. Devrait faire le tour du problème. Pas, j'aurais peur, moi, de vraiment quand même briser mes... Ouais. Mais c'est ça, c'est la scène noire, c'est pas le même matériau que les autres pièces de monnaie. Je crois que c'est pas mal plus mou. Moins, et là, bonne chance pour en trouver. Ouais, c'est ça. Exact, bonne chance. Oui, c'est ça, mais on a tous un pot de scène noire. Moi, j'ai encore ça. Ben moi, j'en traîne un dans mon portefeuille à vie. J'ai décidé que je gardais ma scène. Une scène chanceuse, est-ce qu'elle a une signification particulière? Est-ce qu'elle a une année de ta naissance? Ou? Non, c'était c'était celle que j'avais quand j'ai appris qu'il n'y en avait plus. C'est j'ai ça. Dit, ben toi, tu restes là. La chanceuse. Ever. Ouais. Mais je regarde ça, c'est comme, il y a quelqu'un qui dit ça dans les commentaires aussi, je suis très d'accord. Pourquoi tu voudrais que tes lunettes de soleil que tu as payées vraiment cher... Tu veux qu'il y ait l'air des lunettes cheap que t'as payées comme... 2 piastres, ouais. Parce que si t'enlèves la marque, c'est ça qui reste. T'as bien raison, t'as bien raison. Mais en même temps, de l'autre côté, moi, je n'achète pas des lunettes pour leur look ou, tu sais, je vais les acheter parce que je trouve que leur qualité est là, tu sais, un peu comme... n'importe quelle autre affaire dans la vie, tu sais, ça dépend de votre personnalité. Si vous voulez peut-être flasher, tu sais, c'est peut-être une question d'image pour vous. Il y en a qui ne l'est pas, bref. Donc, peu importe, les liens sont sur assemblagerequis.com. Retrouvez-les tous là, simple d'accès. Avec des petites vidéos des fois pour appuyer, des images. Tout est là. Si tout va bien, dans les prochaines minutes, éventuellement, on va avoir Justine Renaud et sa chronique Justine Pertine, suivie de Laurent Constantin. Finalement, on n'a plus besoin de moi pour le reste de l'émission parce que tout le monde va s'enligner. Après, ça va être le poste d'écoute à la fin. Exactement. Voilà. Tu peux partir. Ouais, je vais y aller. Je te libère de tes fonctions. On peut écouter la chanson thème tout le long. Je suis comme libéré de mes fonctions. Tu viens de renverser les rôles, hein? C'était beau ça, tu prends ta place, j'aime ça. Rien que ça, tu mérites. J'aime ça. Ouais. Pour l'instant, on va continuer en musique. Non, on va prendre la pause tout de suite. On va prendre la pause, il y a déjà un quart. Il est en retard même pour la pause, pas mal. Donc, on prend la pause, on revient avec Justine Pertine, la chronique musico-scientifique de Justine Renaud dans quelques instants dans Assemblage requis sur C'est fou! 89.fm! Je vous permets d'aller... faire pipi? Non, en écoutant les pubs. Ben oui. C'est important, ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. Elle s'appelle Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, je suis tellement content de te l'entendre dire. Vraiment, ça fait ma journée. Genre, c'est le genre de choses qui t'excite. Ah, oh, dis mon nom. Ah, c'est my name, c'est my name. C'est quoi ça, non? C'est quoi, c'est une... Destiny's Child? Aïe, aïe, c'est du Destiny's Child. Qu'est-ce que c'est ça? Inacceptable. C'est bon, ça. Inacceptable, hein? Sur nos ondes. Dans quelques instants, c'est vrai, je la vois, ce n'est plus un mirage. Au-delà de notre désert, à distance, ça s'affiche une Justine Pertine. Mais avant ça, on écoute Elphinstone, voici Motherless Child. Oh! On est dans le désert, avec nos chameaux! Sur l'échelle de gradation, t'as froid, t'as chaud, au milieu t'as tiède.

things that you do. Les yeux font de reflets qui projettent de moi des faits.

À 8 heures. 8 heures quoi? 8 heures. 0 minutes. Oui, 8 heures 0. 8 heures 0 minutes. Ah oui, si, si. Si, seigneur. Si, seigneur. Merci, Juice. Merci, Geppetto. Geppetto. Geppetto. Chewbacca aussi, ça fait. Pas vraiment. Tu sais, il est poilu aujourd'hui. Poil facial, là. Des fois aussi, quand il, quand il s'exprime. Au retour, ce sera Laurent Constantin et la chronique Déchiffrons le campus. Pour l'instant, on mérite bien une petite minuscule pause. Ben oui. Restez là, Assemblage Requis, de retour dans deux instants. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis. Alors, on est jeudi, le 23 octobre 2014, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui! D'habitude, Laurent Constantin, c'est en début d'émission, c'est-à-dire alors qu'il fait encore noir à ce moment-ci de l'année, un peu, un minimum noir. Là, il commence à faire un petit peu plus clair. Je pense qu'on n'aura pas droit au loup-garou du campus. Ça va être juste l'être humain du campus. C'est plate, hein? Ah-ouh! Ah-ouh! Imite-nous un loup-garou à la place. On va faire comme si t'étais un loup-garou, OK? Attention. Ah-ouh! Les petits caniches featuring les caniches. Va chier, mais t'en faire un caniche, moi. Bon, ben, bonjour. Oui. Bonjour, caniche. Bonjour, assistant Chewbacca. Merci. T'es fin. Merci, être humain, Laurent Constantin. Merci beaucoup, oui. Je suis revenu à ma forme humaine ce matin, suite à une pleine lune assez mouvementée. C'est pour ça qu'il a tout décalé l'horaire, j'imagine, d'assemblage requis ce matin. Ça a tout changé. Ben, on voit que la barbe est fraîchement faite. Hein, oui, contrairement à toi. Contrairement à moi. Oui, je commence à avoir un peu cette routine de l'enseignant qui veut paraître beau et prêt à tous les matins en se disant peut-être que je vais me faire appeler ce matin. Peut-être que quelqu'un va t'amener une pomme. C'est peut-être aujourd'hui le jour où je vais me faire appeler puis je vais travailler. Parce que oui, je suis enseignant de profession et si je fais de la radio le matin, c'est parce que je ne me fais pas appeler pour travailler. Bon, on t'appelle pour te rappeler que tu as une chronique le lendemain. Oui, c'est ça. C'est pour ça que normalement, je viens à 7h30. Ça me permet de venir faire la radio et d'aller au boulot après. Et on l'apprécie énormément. Aujourd'hui, on parle de cours à distance. C'est bien ça, quelque chose justement qui remet en question un peu ma profession. Mmh. Les cours en ligne et les cours à distance, qui sont deux choses différentes. Ouais. Avez-vous déjà suivi ça, des cours à distance, soit au cégep, soit à l'université? Non, mais je pense que je savais pas exactement. C'est quoi la différence entre un cours en ligne et un cours à distance? Mmh. Ben, un cours à distance, c'est plus par correspondance, on peut dire. Ah, OK, tu fais ça, tu écris des lettres par la poste à ton professeur comme un correspondant de guerre. Par la poste, tous tes cahiers d'exercices, tes cours, tu vas faire beaucoup de lectures. Tu fais tous tes tests, tu t'envoies pas, soit par courriel en scannant ça. Par fax, Telegram. Oui, c'est ça. Ou des fois, ça peut même être de t'enregistrer. Donc, si tu as un cours d'éducation physique, excusez-moi, à distance, ben il faut que tu te filmes en train de faire de l'exercice. C'est la honte. Un cours de guitare ou de piano à distance, donc il faut que tu t'enregistres en train de jouer du piano. Je peux sûrement faire du After Effects, puis genre juste me prendre dans différentes positions, puis me faire bouger par After Effects, genre. Comme si j'avais fait de l'éducation physique, genre. Oui. Ouais. Je détache le bras. Ah, oh, boup, boup. Tout faire plus rapidement, finalement. Ouais, c'est ça. Et un cours en ligne, c'est vraiment quelque chose qui va se faire totalement par Internet. C'est-à-dire que ça va être des capsules vidéo et des lectures en ligne. Et ensuite, on va pouvoir répondre tout de suite, soit par vidéoconférence ou tout simplement vraiment par une structure déjà toute préparée en ligne. Donc, c'est un phénomène qui existe depuis déjà plusieurs années. On a la TELUQ, donc la Télé-Université du Québec, qui donne des cours à distance depuis maintenant 40 ans. Oh, quand même. Ouais, c'est bien. Et vu que ça s'appelle TELUC avec UQ à la fin, est-ce que ça fait partie du réseau des UQ, ça? Mais bien sûr! Toi. C'est surtout, on fait souvent un parallèle entre la TELUC et l'UQAM, parce que les deux, bah, c'est très Montréal, mais ça reste que c'est Université du Québec, donc tous les réseaux d'Université du Québec partout à travers notre patrie. Mm-hmm. Et aussi, bon, on a l'ETS, on se souvient bien, l'INRS, et il y en a un qui manque tout le temps. L'ENAP aussi, qui fait partie du réseau des UQ. Toutes les sortes d'universités un peu plus obscures qu'on a au Québec. Et qui offre aussi des cours en ligne depuis 15 ans. Et on a d'autres universités maintenant qui vont de l'avant avec ça. Donc, on a l'Université Laval, donc avec Laval à distance, qui a plusieurs formations. À Laval à distance? À Laval à distance, écoutez. OK, pas de problème. Qui offre plusieurs cours et plusieurs formations, donc programmes au complet. Donc. Et l'UQTR, nécessairement, embarque là-dedans. Pas le choix. Ben oui. Elle n'est pas en manque. Et offre près de 80 cours en ligne. Donc, c'est des cours qui vont autant en anatomie, biologie, en génie, chiro, en traduction, en psychologie, en sciences de l'éducation. Tout plein de programmes qui offrent des cours en ligne. Même des programmes en ligne s'offrent complètement à l'UQTR. Donc, il est possible de faire un bac en traduction sans jamais vraiment avoir vu un prof de tout son bac. C'est de la danse en ligne à distance aussi. Oui, je sais pas. Il y a un certificat en traduction aussi en ligne, un certificat en comptabilité générale et un certificat spécialisé en sciences infirmières. Je viens de la comprendre. Oui, la danse en ligne. C'est comme la danse avec Ricky Dance, mais online, you know? Pendant que je parlais, non, je l'ai pas compris. Bah, tu fais bien. Mais c'était drôle. Oui, je le prends. Et ça, c'est des cours qui sont en ligne, donc c'est-à-dire, c'est ça qu'on a vraiment une interface soit avec des vidéos, avec des lectures et qu'on a vraiment des travaux à faire. Il y a aussi les programmes ou les cours en conférence web. Des cours de conférence web non. Sur le web, donnés sur le web par la... En conférence web. Ok, excuse-moi. Donc souvent, c'est des cours qu'on va avoir un programme complet, certains cours en présentiel qu'on dit, donc il faut être présent à l'université, et d'autres cours en conférence web, donc on peut être dans le confort de chez soi, à écouter via la passerelle VIA, qu'on appelle via la passerelle VIA. Ouais, je suis pas pire là-dedans, moi. Donc, écouter un cours à distance et qu'on voit toutes les faces de nos collègues, de notre professeur, ouais. On peut réagir. Il y a un petit bouton si on veut poser une question. Ah, c'est fun, ça. Il y a plein de choses pour interagir. Donc, des programmes, c'est surtout des micro-programmes et des programmes de cours de deuxième cycle. Il y a même un DESS, donc un diplôme d'études supérieures spécialisé en littérature pour la jeunesse. Donc, ça, c'est offert par l'UQTR. Donc, souvent, c'est des cours que soit qu'on peut être dans le confort de chez soi ou dans une classe qui va être en vidéoconférence, c'est-à-dire qu'il va juste avoir à la TV le prof qui nous parle à l'écran et quelqu'un qui va être dans la classe juste pour être assistant, pour un peu gérer les questions, gérer la classe, quoi que ce soit, ou gérer toute technologie aussi. Tu peux te prendre une petite pause, là, tu sais, pendant tes cours en ligne, pour te faire un petit cours en ligne de coke, là, tu sais, genre, si tu veux, pendant ta pause, là, c'est ça. C'est tout possible, en ligne de coke, c'est tellement... Quand t'es chez soi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux souper, tu peux faire des egg rolls, n'importe quoi, pendant que tu suis ton cours. C'est accessible 24 heures sur 24, pas les conférences web, mais ça, faut vraiment être plus attentif. Ben parce que comme... chacun l'image de toi, ben, tout le monde sait qu'est-ce que tu fais. Tu peux pas te décrotter le nez durant ton cours. Idéalement, tu t'habilles. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu une belle image. Encore une pin contre mon rasage que j'ai pas fait depuis 2 semaines. Non. Okay. Pas du tout. Belle image. C'était hier sur Facebook, tu as une image. Bon, ben, je me suis bien habillé pour une entrevue, très importante entrevue en ligne pour devenir avocate. Et c'était une fille qui était vraiment un beau haut de tailleur, veston, quasiment une petite cravate, bien coiffée. Et en dessous, elle était en petite culotte avec des pantoufles. Donc, c'était parfait. C'est la réalité. Ouais. Donc, ce qui est caché, on le voit pas. C'est comme les annonceurs de nouvelles, ils pourraient ne pas avoir de pantalon. On s'en rendrait pas compte. Non. Peut-être la fille de la météo est en dessous du bureau. On sait pas. Et les avantages des programmes en ligne, comme je le disais, c'est que c'est accessible 24 heures sur 24. Des gens qui ont des routines de vie assez atypiques peuvent étudier quand bon ils veulent. Donc, d'où ils veulent, quand ils veulent. C'est une présence qui est virtuelle. Oui. Et il y a un nouveau phénomène aussi que vous connaissez peut-être, ce sont les CLUM ou MOOC. Donc, les abréviations MOOC. Pour dire... des cours en ligne ouverts et massifs, donc pour CLUM, et MOOC, qui est un peu l'abréviation anglophone pour Massive Open Online Courses. C'est comme un MMORPG des cours. Oui, c'est ça, exactement. Ah. Donc, l'université de World of Warcraft. Non, je fais des farces. Donc, dans le fond, ce sont des cours qui sont gratuits et accessibles un peu partout à travers la planète pour tous ceux qui veulent avoir accès à des études supérieures. C'est pas des cours qui vont tendre à des diplômes ou vraiment des crédits universitaires, mais souvent, il y a certains sites, universités reconnues, qui vont remettre une attestation de réussite de ce cours-là. Donc, on a autant des sites comme Coursera, edx.org, MOOC List, genre MOOC traduction List, ou MOOC traduction francophone.com, ouais, qui offre plusieurs cours. Donc, les deux derniers que je vous ai dit, c'est plutôt des répertoires. Donc, il y a plusieurs universités qui vont offrir eux-mêmes. Donc, Harvard et Stanford, je crois, si je me rappelle bien, offrent eux-mêmes des cours massifs ouverts en ligne. Et aussi même le Collège de France qui offre beaucoup de conférences. En fait, c'est, au lieu d'être étudiant auditeur dans chacun de ces cours, eux, ils vont enregistrer plusieurs cours et les mettre en ligne. Donc, c'est possible de suivre une session complète en ligne. De vraiment te mettre, oui, dans le bain de l'endroit, mm-hmm, avec tout ce qui vient avec, l'accent, mm-hmm, la façon de dire les choses. Et je parlais du TELUC en début d'émission, oui, et en début d'émission, en début de chronique. Ouais, mettons. Et le TELUC a décidé, de par sa propre initiative, de lui aussi offrir des cours ouverts et gratuits avec le site ulibre.ca, donc Université Libre. Donc, c'est une initiative du TELUC qui débutait cet automne. Donc, cet automne, il offre deux cours, donc Introduction à l'histoire politique du Québec et Conciliation travail-famille, défis et solutions. Donc, il commence cela en se disant, bon, c'est nouveau, c'est un nouveau courant, c'est émergent, on va embarquer là-dedans. Et c'est aussi pour attirer une nouvelle clientèle. Donc, le cégep à distance aussi a commencé cela en offrant un cours de biologie, un cours en équilibre, c'est vital. Et cet hiver offrira aussi un cours d'économie. Donc, quand je dis nouvelle clientèle, c'est parce que comme c'est gratuit, ouvert à tous, souvent, il y a des gens qui sont comme en processus d'immigration au Québec, au Canada, et qui vont se dire, bon, tant qu'à me faire une idée sur mon pays, j'aimerais peut-être étudier. Donc, ça, c'est quelque chose qui leur permet d'étudier en ligne. Ils ont remarqué, avec Cégep à distance, que 15 % des personnes inscrites provenaient d'ailleurs, donc essentiellement de Tunisie, d'Algérie, du Sénégal et du Maroc. Donc, souvent des gens qui s'intéressent au Québec ou qui veulent venir au Québec. Mmh. Donc, c'est quand même quelque chose qui est nouveau, mais déjà très populaire. Le cours du Cégep à distance, 900 inscriptions pour cet automne. Quand même. Première fois. Et les deux cours offerts par ULibre ont déjà 1500 inscriptions. C'est des cours qui commençaient lundi, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Donc, c'est ça le nouveau, si on peut dire, mouvement des cégeps à distance, d'ouvrir tout d'ouvrir l'éducation, la démocratisation de l'éducation, c'est ça, c'est d'ouvrir à tous le savoir, qu'on n'ait pas nécessairement besoin de payer des milliers de dollars pour avoir une bonne éducation, que finalement, avec les technologies qu'on a, c'est accessible partout où on est, avec tous les moyens qu'on a. Donc, souvent, la seule chose qu'on a de besoin, c'est d'une connexion Internet et un peu de temps à offrir dans certaines disciplines. Parce que oui, même si c'est gratuit, ça offre quand même des devoirs, des petits tests qui sont suggérés. Faut suivre quand même les règles. Tu vas pas botcher ça. C'est quand même un cours. C'est ça, tu peux, si on peut dire, le couler. Ouais. Mais, faut que tu veuilles. Tu peux l'abandonner. C'est pas sans grande... C'est pas une grande conséquence de couler. C'est gratuit dans ce cas-ci. C'est gratuit de toute façon. Et il n'y a pas de diplôme, d'échec, quoi que ce soit. Là, c'est ça. Ça restera pas étampé dans un dossier. D'après moi, si tu abandonnes ce cours-là, tu ne passes plus au crédit après. Je pense que c'est ça. La CIA débarque chez toi. Oui, affaire de même. Il faut bien qu'il y ait des conséquences quelque part. Hashtag j'aime apprendre, on pourrait dire. Oui, donc c'était ça pour les MOOC ou CLUM. Je préfère MOOC. D'accord. CLUM, je trouve ça bizarre à dire un club sandwich. Un club sandwich. Quand t'as le rhume, ça me prend un club sandwich, s'il te plaît. Fait présentement, c'est ça que tu mangerais. Oui, présentement. C'est ça. Un club sandwich. Oui, et un peu comme au bulletin de nouvelles où la météorologiste était sous le bureau. Merci, Colette. Météorologue. Météorologiste, c'est ce que je voulais dire. C'est en anglais. Météorologue. C'est ça que je voulais dire. j'ai dit deux fois ça que je voulais dire. Mais t'as dit exactement la même chose deux fois. Je sais pas. Je suis pas capable. Come on, Chou. Merci. C'était quoi ton surnom, toi? Tantôt? Non, Stéphanie? T'en avais. Elle veut pas le répéter. C'était quoi? Stéphanie? Je m'en rappelle pas. Ah, en tout cas. Bref, on va trouver ça. Merci Laurent Constantin. Ça fait plaisir. On va trouver ça, oui. La semaine prochaine, on te retrouve jeudi. C'était à 7h30 d'habitude. Ah, d'habitude. D'habitude. Les jeudis. Très bien. Déchiffrons le campus, c'est dans 2 semaines pour la semaine prochaine, c'est bien ça? Super. Non, c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine. Oui, semaine prochaine. C'est Sébastien Evgartin qui est aux 2 semaines. Je me mélange. C'est possible. Deux gars possible. D'actualité, tu sais. Mm-hmm. C'est le même. Merci, désolé pour mes incompréhensions. Donc, au retour de la pause, il va nous rester seulement le poste d'écoute d'Assemblage Requis. C'est Steph qui fait ça. Au retour, Assemblage Requis sur C'est Fou 89.1 FM. Tu joues pas? Tu joues que je joue de quoi? M'a laissé Colette faire le reste de sa job. Fou de changement. C'est fou. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Subject is beer or food, and not pencils and books. The semester hasn't started until you party where your heart is. I don't wanna take a test unless the question is where's the party, and the answer is me. What did my father always like? I hate science unless it helps you build a robot. Toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. Yay! C'est nous! Je voulais dire Chewbacca. Chewbacca, c'est rendu, ça va coller ça peut-être, hein? Ben, les fois que tu te rases pas de même, peut-être. Peut-être. maintenant, c'est l'heure de terminer presque notre émission du jeudi, la semaine, et c'est ce qui met notre bouchon sur la bouteille de l'information d'Assemblage Requis. Hein? Si on veut. Ouais. On se mettrait pas des bouchons les oreilles. Je sais pas, d'habitude, mettons, moi, les bouteilles, j'ai vide. J'ai rempli pas. C'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Hey, hey, hey! C'est le poste d'écoute! Enfin! Ah, est-ce que c'est du sarcasme? Non, j'ai tout le temps hâte de découvrir de la nouvelle musique avec toi, Stéphanie. Bon, ben parfait. Aujourd'hui, Mathieu, je vais te parler. Et Laurent, je vais aussi t'en parler, étant donné que t'es là. Je vais pas t'ignorer. Parle-moi-en. Comme une sauvage. Je vais vous parler de la formation High End. Là, on parle de haut fin. Oui, ou... High End. OK. Pas comme un high five, non. Ouais, ou être sur les hautes, mettons. Parce que les fins, les bouts de, okay, de bon. Donc, c'est ça. Je vous parle du premier album de la formation High Ends, qui est Super Class. Donc, la formation est originaire de Vancouver et compte comme membres Jeffrey Ellis, Darcy Hancock, John Jeffrey et Brandon Scott et Rebecca Gray. Quand même une petite gang. Une petite gang. C'est le tout premier album qui est sorti le 7 octobre dernier. Donc, tout récent, on aime ça. C'est encore chaud, chaud, chaud. Ça sort du four. On a le goût de mettre un peu de beurre dessus, puis du sucre, puis la cannelle. Ah, bien. Ça va être vraiment bon. Avec un petit glaçage, là, peut-être sucre en poudre, fromage à la crème. Dans le prochain Masterchef, mercredi prochain. Master Steph. Non, mais je sais pas, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait hier. C'est ça, un bread mou. Tu t'en souviens pas? Tu sais pas goûter? Au CD mou? Au CD mou? À la cannelle? Non, le... Ouais, c'est ça. Ouais. Le CD mou à cannelle. CD mou, j'ai le CD mou un peu. Ça pétitionne. Ouais. Écoute, on va arrêter là de parler parce que. Ça mène nulle part, clairement, ouais. On s'enfonce. On va plutôt aller écouter déjà 2 premières pièces de ce magnifique album. Et on commence tout de suite avec Downtown. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Ouais. Okay. Just a second while I fix my whole life. Just a minute, I really should be less right. Nice to meet you, I really hope to know your mind. What an awkward day, am I an alien or people just really unkind? Here comes the radio through my door, I should really be downtown. Here comes a lion with her silent roar, I should really go downtown. I'm as simple as a starving crocodile. Well, I'm as basic as the math they would teach a child. I hear the stories of the people in the old days. I'm ever happy that I never needed those caves. Here comes the radio through my door, I should really be downtown. Lying with a silent roar, I should really go downtown. Here comes the radio through my door, I should really be downtown. Here comes a lion with a silent roar, I should really go downtown. Intoxicated, I need you. C'était Intoxicated de la formation High Ends, tiré de l'album Superclass. Et on a ouvert ce bloc-là avec Downtown, toujours de la même formation, parce qu'on est au poste d'écoute. Ben oui. Et le poste d'écoute, c'est quoi? C'est on va dans les nouveaux arrivages de C'est fou et on trouve le meilleur de toute cette musique-là. Et moi, je vous le fais entendre ce matin. C'est pas merveilleux. En primeur. En primeur? Ça, c'est des affaires qui ont jamais joué à C'est fou, ça. Non! Ben non! C'est malade, là. La première fois, ever. Le style de musique du groupe a été décrit un peu comme... un amalgame de pop riche et sombre avec du rock songé, des notes de synthétiseur. Est-ce que vous avez senti ça? Je l'ai senti, je l'ai humé. Il y avait ouais. une belle atmosphère. Ça sentait bon. ça sonne bien, ça sonne... par moments, je dirais, ça sonne un petit peu rétro. Oui, oui. Un peu, surtout oui, la dernière qu'on vient d'entendre là. Oui, et j'adore ça. Oui, c'est un bon genre de musique, ça, je trouve. Et ça me fait... Le petit son rétro me fait un peu penser à Young Rival. Je sais oui. pas si tu te souviens de Young Rival. Exactement. Qui était tout à fait merveilleux. Donc, moi, c'est le petit rétro que j'aime bien retrouver dans ce genre musical. Et c'est quoi que tu m'as dit tantôt? Tu m'as dit le groupe et j'ai dit, ah oui, en effet, Yukon Blonde, je pense. Hein? Oui, c'est la même étiquette. Young Rival, Young... Young Blonde, Yukon Blonde. Ouais. C'est mêlant, ça. Puis là, ça, il y a plein de Y. High Ends, le groupe qu'on écoute High en ce moment. Ends. D'accord. Oui. Et si vous avez apprécié, les 18 et 19 novembre prochains, bon, faut faire un peu de route, mais ils sont en spectacle à Toronto et à Ottawa. Donc peut-être que ce sera votre chance de les voir live. Ça coûte presque rien. 10$ le billet, là. Pas de chance d'aller à Ottawa. Puis pas cette semaine, en tout cas, pas d'Ottawa pour bon, moi. Mais non, non, mais c'est au mois de novembre, vous irez à Toronto, là, au pire, là. Écoute. Pas de changer à Toronto. J'arrête de faire des le passes. Canada anglais. C'est là. En Ontario, ça? Moi, je vais pas là. Elle vient de l'Outaouais, là. Reste de mon côté. Donc, on va continuer avec un autre petit bloc parce que j'ai aimé ça. T'as-tu aimé ça? Oui! Moi? On écoute? The Believer! Dans le poste d'écoute. change my life for the greater good. Yeah, yeah, yeah. Trust it will keep me in every way. If I can contribute anything to this world, yeah, yeah, yeah. Justice, believe me. Justice, believe. Oh, cappuccino, how did I go? Half my life because it's so old. Oh, cappuccino, show me a world without you, and I'll show you heartbreak, 'cause I know it's cold. Pour finir le matin en beauté, on a entendu Cappuccino. Mmh. Ah, miam, m'avoir su que c'était ça. C'est le titre de la chanson. Je serais allé m'en chercher un pendant pour le boire en écoutant Cappuccino. Mais là, t'aurais manqué une partie de la toune. C'est ça, mais j'aurais vécu l'expérience sensorielle des 30 dernières secondes. Et avant ça, on a entendu The Believer et tout ça dans le poste d'écoute. Et ça, c'était le tout premier album de High Ends, qui est super class. Et on a entendu ça ce matin, 4 pièces. J'ai aimé ça. C'est super bon. Super bon? Super bon. Ça ressemble plus à Super Bowl. Super Bowl. On fait le poste d'écoute en fin d'émission les jeudis à 9h environ. Oh oui. Et on découvre un nouveau disque. Qu'est-ce que c'est moi parce que c'est à 9h? C'est vrai. S'il est 9h, c'est Stéphanie Paradis. Sauf le lundi. C'est vrai. Il va falloir trouver un concept pour le lundi, je pense. Non, c'est assez. Ça va aller? Okay. Donc, merci, Steph. Ça fait plaisir. C'est la fin d'émission d'aujourd'hui, l'émission pour la semaine au complet. La semaine au complet, Mais il reste plus de bretzels. Il reste plus de bretzels, c'est vrai. J'ai tout mangé hier. Hier, on a fini avec, mais il reste des bretzels. Non, on va se retrouver lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Lundi, ben Colin, l'émission elle va être super intéressante comme toujours. On va voir David Ferron avec sa chronique et les notes salées. On a qui d'autre le lundi? Alexandra Carignan. Oh! Peut-être, avec sa boîte à musique. Ça, c'est lundi à l'émission. Sinon, restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Il n'y a pas de deux filles, deux styles d'émission. C'est la semaine de relâche. 2-2-1. 2-2-1. Pas de 2-2-1. Pas de 2-2-1. Ensuite, à 13h, la série documentaire Créateur de son. Et après ça, ben, le Mathieu Plante Show est là à 16h. Le reste, on ne sait pas. C'est la semaine de relâche. Bon. Mathieu Plante Show. Mathieu Plante, 16h. Bonne fin de semaine, Steph. Hey, bonne fin de semaine, Mathieu. Merci. À lundi. Oui, oui. Merci à Laurent Constantin. Au plaisir. Tellement. Merci à Justine Renaud. Tellement. Bye. Merci, Chou.